Bonsoir à vous, vous pouvez nous joindre au 05 56 35 31 31 une fois qu'on aura terminé avec notre invité de première heure. Avec nous ce soir, il y a Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir, d'ailleurs, Marc, à ce propos, hop, il est où? Il est là. Ah, ce cri. Ça va, Marco? Ça va. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que tu mets mon jingle, tu fais ce cri. Faut appuyer sur le bouton. Non, faut appuyer sur le bouton. Avec nous également David. Bonsoir David. Bonsoir messieurs. Comment ça va mon petit? Ça va. T'as passé un bon week-end? Oh oui. Et vous? Ah ma foi. Ah, c'était un beau oui. Je compte les jours qui me séparent du premier match de la saison. Je n'en peux plus. Ah, c'est bien les matchs amicaux. Il y avait une blague que j'ai glissée Bowie. Comme ça. Oui. David Bowie. Oh oui. Pas mal. C'était bien. Ouais, évidemment, ça marche pas au moment où l'effet doit partir, il ne part pas. Mais... Et donc, je m'en vais. Au revoir. Sans le présenter. Voilà, bon, ben, je voulais faire un petit effet, ça n'a pas marché. Également avec nous ce soir, il est là, vous venez d'entendre sa voix. Adrien. Ça va, Adrien? Ça a travaillé pour oui, bah oui. L'émission. Voilà. J'ai cherché des joueurs pendant longtemps. J'ai été les voir, je leur ai dit yes. Ah, ça y est, l'effet est revenu. Il y a un décalage horaire. Rétroactif. Et donc je suis prêt, ma compo est prête, mon groupe est prêt pour tout est prête et ton est prête. Oui. Avec moi nous et la grammaire grammaticale ce soir Enzo. Bonsoir Enzo. Bonsoir. Alors il a bossé tout le week-end lui. Toujours. Oui, carrément. Il a tout fait, tout a été pris en compte, tout a été noté, calculé. Vous allez voir, il y a des bonnes parmi nous, il y a des bonnes, je sais pas tout vu, mais il y en a quelques-uns qui ont des bonnes idées. Également Cyril qui va nous rejoindre dans quelques instants puisqu'il est voilà en train de contacter notre invité du soir. Je raccroche le téléphone. Hop. Bonsoir Cyril. Comment ça va mon petit? Bonsoir tout le monde. Alors messieurs, eh ben avant de poser la question que personne se pose, on va accueillir tout de suite notre invité au téléphone. C'est Raphaël Brosse. Bonsoir Raphaël. Bonsoir à tous. Bonsoir Raphaël. Tu sais que tu nous sauves un petit peu l'émission ce soir. Alors, ah oui. Voilà. Ben ouais, on s'est dit, bon, comment faire pour parler de Vidéoton? On va pas se mentir, c'est pas un club qu'on connaît vraiment, si ce n'est de nom, parce qu'on le voit régulièrement dans les tirages de poules de tours préliminaires, de barrages ou de poules d'Europa League. Raphaël, tu fais partie voilà, de l'équipe du site Footballski, c'est ça? Exactement, je suis rédacteur Hongrie pour footballski.fr. Donc Footballski, site qui s'intéresse à tout ce qui est football, on va dire d'Europe de l'Est, d'Europe centrale. Ouais. Voilà, donc le ski, ça doit avoir lieu avec les Polonais, je pense. Sûrement. Alors, oui, si vous avez des réactions à faire, vous pouvez faire sur le chat hein, directement dans la shoot, puisque on a tourné l'écran et maintenant il y a plus de personnes qui voient le chat. Ouais. Par contre, tout ce qui est message privé, c'est à Marc Gérard. Que vous les envoyez, parce que sinon voilà, vous les envoyez à moi-même, pas à toi-même, à moi il les envoie. Ah oui, toi aussi t'as l'ordinateur. Oui. Avant de commencer à parler de Vidéoton, Raphaël, il y a une petite tradition dans cette émission, c'est une petite question humoristique qu'on pose à chaque début d'émission. C'est la question que personne ne se pose. Attention jingle, ça va piquer les oreilles. La question que personne ne se pose. Oui, parce qu'on a les moyens. Ah, ah ouais, t'as vu ça, c'est Hollywood. Alors la question que personne ne se pose, bah effectivement, personne ne se la pose, mais elle est très simple. Pourquoi le club hongrois de Vidéoton s'appelle Vidéoton? C'est vrai que c'est un nom un peu singulier quand même. Vous avez trois propositions possibles. Alors, là, je vais me faire violence. Parce que le nom de la ville, oui, évidemment, la ville ne s'appelle pas Vidéoton. La ville, c'est... Alors, tu me reprends, Raphaël, si jamais, mais je pense que je vais me louper. Chez Kesfehervar. C'est pas trop mal, c'est Kesfehervar. Voilà, c'est beaucoup mieux dit comme ça. Ouais, tu vois, Cyril. Tu veux pas essayer, Marc? Je t'avais dit qu'avec les accents sur les A et les E, il y avait des feintes. Donc, chez Kesfehervar, ça fait vachement nordique quand même. Ben non, c'est n'est pas homologué par l'Europa League, donc on nous dit hop, Vidéoton, hop, ça passe mieux. Parce que c'est la classe à l'international, ça sonne presque limite espagnol, tu vois, t'es Vidéotan. Ou alors, troisième proposition, perso, moi c'est ma préférée. Et c'est, attention, c'est jeu de mots foireux, parce que c'est toujours mieux que Radio Lamproie, Télébroché ou Web Morue. Moi, perso, je vote là-dessus. On reste là-dessus, on est bien. Vous avez jusqu'à 23h pour voter. On donnera les réponses en fin d'émission sur la page Facebook de l'émission, le site G33. Vous cliquez. Donc sur... je donne pas la réponse, c'est ça? Ah, mais tu vas nous dire quelle est ta préférée. La dernière est pas mal, effectivement. En admettant qu'il y en a une des trois qui soit vraie. Hein, mais j'en doute. Ouais. La vraie version, il l'a donnée sur le site Football Ski. Il avait fait un article, il me semble, sur Vidéoton. C'était une entreprise, c'est ça? Exactement, c'est un contrat de un partenariat, c'est un sponsor, et effectivement, le nom est resté derrière. C'est effectivement plus simple à dire que c'est caché à ça. C'est plus simple pour nous Français, mais est-ce que réellement, eux là-bas, c'est plus simple de dire Vidéoton que d'autres mots qui sont... Le nom de la ville, en fait, c'est le... faut savoir que la ville, c'est la ville du prince, c'est ça, là où il y avait le couronnement avant des... Oui, historiquement, c'est une ville importante, en effet. Donc les Hongrois doivent savoir dire le nom de la ville. Alors, Vidéoton, rapidement, tu vas nous en parler plus en détail. C'est quand même pas un club qui sort de n'importe où. C'est quand même un club qui est pas centenaire, mais pas loin. Créé en 1941, si Wikipédia me ment pas. Champion de Hongrie en 2015. Donc, c'était il y a pas si longtemps, 2011-2015, mm-hmm. leurs deux premiers titres. Enfin, leurs deux seuls titres de champion de Hongrie. Ils ont quand même fait une finale de Coupe UEFA. Alors certes, ça remonte, c'était il y a 30 ans, en 85, mais enfin quand même. Il n'y a pas beaucoup de clubs français qui peuvent en dire autant. Ben voilà, à part Bordeaux, Marseille et... Bastia. Oui, et Nantes aussi, Reims. Monaco, non, pas fait une demi-finale ou un truc comme ça. On parle de finale, on parle pas de demi-finale. Reims, Bastia... Ouais. Enfin bon, c'est après, quand même... Les Français en ont souvent perdu. Et si je dis pas de bêtises, c'était face au Real, non? Exactement, à l'époque c'était finale aller-retour, voilà. Ils avaient perdu à l'aller chez eux 3-0, bon voilà. Et au retour, ils avaient quand même gagné au Santiago Bernabéu 1-0, donc ils ont perdu avec les honneurs. Donc c'est ils avaient au préalable éliminé Manchester United et le Paris Saint-Germain. Donc c'est pas un club qui sort de n'importe où, ils ont été renommés Vidéoton en 2009, donc c'est assez récent ce changement de nom, c'était le FC Fervar avant. Depuis les années 60, il y a Vidéoton qui traîne en début ou en fin de nom, mais le nom officiel actuel c'est depuis 2011. En 68, le club est renommé... Bah, Sphère, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Vidéoton SC. Voilà, ça date des années 60. Après, c'est le club rival un peu de Ferencváros. Alors, Ferencváros, il y a des rivaux un peu partout, surtout à Budapest. Vidéoton n'est pas un club budapestois, faut le préciser, puisqu'il y en a beaucoup qui sont dans la capitale, mais ce n'est pas le cas pour Vidéoton. Et oui, effectivement, c'est sur la période récente, c'est les deux clubs qui se tirent la bourre, hein, c'est sûr. Alors on va pas se mentir, est-ce que t'as pu suivre un petit peu ce qui s'est passé côté bordelais cet été, puis peut-être un petit peu les résultats des amicaux? Est-ce que Bordeaux, parce qu'on avait une question dans le programme, c'était Bordeaux doit-il craindre Vidéoton? Je vais te la poser telle quelle. Bordeaux doit, moi personnellement je m'en méfie énormément, Bordeaux doit-il craindre Vidéoton? Alors, sur le papier, bon, j'ai pas vu de match amical de Bordeaux, mais j'ai quand même suivi un peu le mercato, qui est assez intéressant, il faut l'avouer. Et largement au-dessus de Vidéoton, Bordeaux, normalement, doit passer ce tour, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que Vidéoton est une équipe qui a très peu changé à l'intersaison, qui est restée très stable, qui tourne très bien telle qu'elle est, et qui a déjà repris sa saison depuis fin juin, donc les automatismes, ils sont là, et ils vont arriver lancés, on va dire, alors que Bordeaux sera sans doute encore en rodage jeudi, je pense. Hein. Oui. Donc c'est là que les Bordelais doivent se méfier. Ils ont fait une recrue récemment, non, Vidéoton? Un attaquant, non? Oui. A priori, il sera pas titulaire tout de suite, celui-là, mais effectivement... Ce sera le Serbe devant. Oui, il y a eu quelques recrues, mais pour l'instant, le 11 de départ a très très peu bougé. Parce que devant, il y a un duo de Serbes, il me semble, dont un qui est assez efficace. Qui a marqué 2 buts contre 4 joues, il me semble. Ouais, c'était 2 pénaltys en l'occurrence, mais effectivement, il y a les deux Serbes, Danko Lazovic et Matko Cepovic, qui sont très, très très très efficaces. C'est la doublette du championnat qui a été très efficace l'année dernière et dont les Bordelais devront se méfier. Tiens, il y avait un Français, Loïc Négo, il est toujours Il est toujours, il a fait une très belle saison l'année dernière. Latéral gauche, droit. Très complète, latéral droit, qui peut jouer aussi milieu droit au cas où, et qui s'est bien épanoui en Hongrie, puisque bon, il était formé à Nantes, voisin de l'Atlantique que vous aimez bien, je crois. Et effectivement, ça n'a pas très bien marché, il était côté à gauche, à droite, et puis finalement, c'est en Hongrie qu'il a vraiment réussi à avoir du temps de jeu. J'ai envie de poser une question, comment on joue en Hongrie? Comment on voit le football? Est-ce que c'est un jeu un petit peu, on va dire, un peu brut? Ou est-ce que le jeu de Vidéoton est un petit peu plus raffiné, comme on a vu sur la Hongrie, notamment à l'Euro, où j'ai été personnellement surpris par ce jeu-là, notamment avec des milieux qui étaient très joueurs? Alors, t'as pas été le seul à être surpris. Je pense qu'il y a surtout une influence de l'Allemagne et de la Bundesliga, parce puisque les deux pays sont assez liés, et notamment en termes de football. Il y a beaucoup d'entraîneurs allemands qui sont en Hongrie, et il y a pas mal de joueurs hongrois qui vont ensuite en Bundesliga pour les meilleurs. Donc ça ressemble beaucoup au championnat allemand, on va dire. C'est assez physique, certes, mais il y a quand même des espaces, il y a quand même une volonté de faire du jeu et de tirer de loin. Donc c'est quand même assez agréable à suivre, même si c'est pas non plus du grand football tous les jours, mais voilà, ça ressemble plutôt au championnat allemand, pour se faire une idée. Ah, la Ligue 1, c'est pas du grand football tous les jours non plus. Hein. Oui, je sais bien, ouais. et à Vidéotron, est-ce que c'est une équipe qui est formatrice en Hongrie, ou est-ce que c'est une équipe, on va dire, qui est plus, qui sert un peu plus de tremplin pour l'étranger? Difficile à dire, c'est pas vraiment un énorme centre de formation. On va dire qu'il y a d'autres clubs formateurs plus proches et chez lesquels ils peuvent aller se fournir. Mais disons que c'est un des top clubs en Hongrie. Donc généralement, un joueur qui explose à Vidéotron part ensuite assez rapidement. Mais actuellement, il n'y a pas vraiment de joueurs. Soit les top joueurs sont relativement vieux, donc ils vont pas partir tout de suite, on va dire. Ou s'ils partent, c'est pour aller aux Émirats Arabes Unis. Et voilà, enfin, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est ça que ça se recoupe en ce club, en tout cas. Raphaël, est-ce que si je te dis, enfin, moi, c'est mon avis, alors mes collègues, on n'a pas tous le même avis sur ce match, mais si moi je te dis que je crains réellement que si Bordeaux ne s'impose pas largement, et quand je dis largement, c'est minimum 2-0 jeudi soir, donc pour moi, tout autre résultat que minimum 2-0, c'est pas un bon résultat, hein. 0-0, 1 partout, 1-0, tu vas aller au retour là-bas en Hongrie. Alors certes, c'est pas un gros nom peut-être Vidéotron, mais les ambiances hongroises, c'est toujours un petit peu particulière. Moi, je crains vraiment que si Bordeaux ne s'impose pas largement jeudi, ça soit très compliqué au retour. On a vu Galatasaray se faire surprendre au tour d'avant, se faire dégager. Les Glasgow Rangers se sont fait dégager également au tour d'avant par un club aussi que soi-disant c'était abordable, nanani nanana. On a vu l'an dernier, c'était quand les gars, l'année dernière ou il y a deux ans, Almaty et... C'était il y a deux ans. Que Bordeaux avait galéré il y a deux ans contre Almaty, et c'était qui le deuxième ? L'Arnaca. Un peu moins. On a galéré pour battre Almaty et l'Arnaca, et je crois pas que Vidéotron soit inférieur à Almaty et l'Arnaca, donc j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de méfiance. Moi, Raphaël, je te dis, si Bordeaux s'impose pas largement jeudi, attention. Oui, après, il faut pas craindre l'ambiance des stades hongrois. Il y a vraiment une différence entre les supporters qui suivent l'équipe nationale, qui là font preuve d'une grande ferveur, on l'a vu notamment en France pendant l'Euro, et ceux qui suivent au quotidien le championnat, qui est beaucoup moins suivi, et dont les stades sont beaucoup moins, enfin, sont assez vides en général. Donc, il y aura pas une ferveur de fou pour le match retour. Hein. D'ailleurs, ils vont jouer dans un stade qui fait même pas 4000 places, hein, donc on pourra pas s'attendre à une enceinte surchauffée. Ben ouais, mais est-ce que justement c'est pas là le piège, un peu match de Coupe de France, tu vois, petit stade, mais 4000 ici, il suffit qu'il y ait 4000 énervés à l'intérieur, ça peut... Tu vois ce que je veux dire ? Effectivement, ça peut sentir le match piège derrière pour les Bordelais, hein, on est d'accord. J'ai l'impression que tu as l'air quand même assez serein. Tu évalues à... Ouais, c'est probable, mais tu vois, quelle est la probabilité que Bordeaux se fasse sortir pour toi ? Ça, depuis PSG Barça, ça veut plus rien dire, Marc. Ouais, ça fiche. Ouais, c'est la probabilité que Bordeaux se fasse sortir, allez, entre 10 et 20%. Mais bon, ouais, pas non plus. Difficile à dire. Hein. Il y a quand même un écart, hein, entre les championnats de France, championnats de Hongrie, et un écart entre les deux équipes, hein, sur papier, c'est sûr. Tu disais tout à l'heure que Vidéotron n'a pas beaucoup bougé au niveau du mercato. Si on regarde, Bordeaux non plus n'a pas énormément bougé. Puisque sur les 5 qui signent, il y a un gardien et surtout deux joueurs qui étaient en prêt l'an dernier qui sont restés à Bordeaux. On a le Rager qui est vraiment un titulaire en puissance et qui, signe, et Mendy qui est plutôt le troisième attaquant. Bordeaux non plus, au final, n'a pas tant bougé que ça. Moi, c'est ce qui me fait surtout peur, c'est le rythme. Le fait que Vidéotron ait repris beaucoup plus tôt que nous. Pour toi, les Vidéotron, est-ce qu'ils sont bien en forme, ou est-ce qu'ils sont, on va dire, au max? Ou est-ce qu'ils sont quand même sur une phase de digestion de leur préparation physique? Parce qu'on sait généralement que la préparation est très lourde sur fin juin, début juillet. Et tout le mois d'août, on ne cesse de répéter que les équipes ont du mal à digérer leur préparation physique. Est-ce qu'ils sont dans quel état physiquement, les joueurs Vidéotron? Alors là, c'est vrai qu'ils commencent vraiment à enchaîner les matchs, et c'est pas pas vraiment évident à gérer. D'ailleurs, l'entraîneur a fait tourner contre Nome Kalju, le club estonien. Ils avaient gagné 3-0 à l'aller, donc au retour, il a fait reposer certains cadres. Et effectivement, il y a déjà eu quelques pépins physiques. Je pense au défenseur central Paulo Vinicius, qui sera pas là, hein, puisqu'il est sorti justement contre Kalju au match retour. Et il a une petite douleur musculaire, donc il sera pas là contre Bordeaux, ce qui est une bonne nouvelle pour les Bordelais, puisque c'est quand même un sacré défenseur. Et l'entraîneur doit faire face à ce problème-là, puisque maintenant le championnat a repris aussi en Hongrie, donc tous les trois jours, il y a Europa League ou championnat, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, ils carburent toujours à plein régime, on va dire. Mais fin août, je pense qu'ils vont accuser le coup, c'est une certitude. Ils ont eu combien de matchs, surtout préliminaires? Ils en ont fait qu'un tour ou ils ont fait deux tours Ils ont commencé au premier tour préliminaire, donc ça fait quatre matchs en tout. Là. Donc ça va quand même être usant. Je dois t'avouer qu'autant certains autour de la table qui sont assez fébriles, moi je dois t'avouer que je stresse pas trop. Pour moi, c'est un match amical amélioré, c'est-à-dire que il y a de l'enjeu, il y a pas la peur de la blessure, mais on reste sur une montée en régime, pour trouver des automatismes. Alors tu fais pas de test, tu mets ta meilleure équipe. Mais ça reste quand même, pour moi, dans cette optique-là. Et j'irai même un peu plus loin, c'est peut-être très... c'est moche ce que je vais dire. Mais Bordeaux se doit, contre Vidéoton, à domicile, de s'imposer par au moins 2 buts d'écart. Sinon, j'ai envie de dire, ça sert limite à rien de jouer la coupe. Moi, je pense que Bordeaux doit la jouer à fond, essayer de viser l'écart. Puisque Lyon a réussi à faire un parcours, etc., et qu'en fonction du tirage, ça peut être sympathique. Mais si on n'est pas capable de passer contre Vidéoton facilement, ça sert à rien. On va passer des poules avec difficulté, on va se faire sortir en 16e, quoi. Donc, je me dis que ça va être quand même un petit révélateur là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, mais il se souvient plus du début. Oui, effectivement. Et bon, là, c'est le point de vue bordelais, donc moi, je peux dire un peu plus de recul par rapport à ça. Je vous dirai un peu plus tard quel est le club de Ligue 1 que je supporte, si ça va peut-être pas vous plaire. Mais effectivement, c'est sûr que pour Bordeaux, Bordeaux a tout à perdre, on est d'accord. Et Vidéoton est dans une approche tout à fait différente, où eux, c'est du bonus, ils le disent d'ailleurs en conférence de presse. On va là-bas pour tenter un coup, on va là-bas pour faire honneur à la Hongrie et faire progresser le coefficient UEFA du pays. On est le dernier club représentant le pays en Coupe d'Europe cette saison, déjà, hein, parce que tous les autres ont déjà été éliminés. Donc ils y vont sans pression. Et c'est vrai que tout le danger est du côté de Bordeaux. Moi, j'ai plusieurs questions à te poser. Donc déjà, c'est la première question, c'est Lolo sur le chat qui la pose. C'est comment ça se fait que tu suis les matchs de l'Est comme ça et ceux de la Hongrie? Et après, j'en ai une autre, c'est sur tout ce qui est les conditions climatiques, pour savoir à peu près en Hongrie comment c'est, si en ce moment la température qu'il fait, tout ça, pour savoir à peu près si les Girondins auront un souci à cause de il peut faire très chaud climatique ou non. Il peut faire très chaud. Climat continental, ouais, du coup. Oui, c'est comme chez nous. Enfin, c'est vrai que l'hiver, il fait très froid. D'ailleurs, la trêve hivernale dure 2 mois et demi dans ce genre de pays. On arrête mi-décembre, on arrête mi-décembre, on reprend mi-février. Et donc l'hiver fait très très froid, mais en l'été, il peut faire chaud, voire très chaud. C'est un peu comme en France de ce point de vue-là. Ils sont pas complètement perdus. Quel serait le temps ce jour-là? Ben, je vais regarder. La trêve hivernale, c'est un peu moins qu'à Nancy, tiens. 2 mois. Ouais, c'est voilà. Et l'hiver, c'est vrai que c'est assez rude. Et pour ce qui est de ma passion pour le championnat hongrois, bon, elle est arrivée sur le tard, on va dire, tout simplement. Je m'intéresse à l'Europe de l'Est en général. J'ai travaillé du côté de Varsovie, donc j'avais déjà quelques acquaintances avec cette zone géographique. Et tout simplement, je suis venu justement à Bordeaux voir Hongrie-Autriche pendant l'Euro, et j'avais bien apprécié le jeu des Hongrois, donc j'ai continué à les suivre. C'est un match très très intéressant, effectivement. Et voilà, donc j'ai continué à les suivre un petit peu. Je continue à suivre le championnat, qui est assez intéressant au final. Et voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Il n'y a pas eu... je ne suis pas spécialement d'origine hongroise, loin de là, mais c'est comme ça, tout simplement. Écoutez, messieurs, je ne sais pas où est Vidéoton sur la carte hongroise. Par contre, ce que je sais, c'est que jeudi soir... C'est pas la ville, Vidéoton. Ce que je sais, c'est que jeudi, grand max en Hongrie, il fera soleil, mais il fera grand max 27 et le max, le soir, 19. avec un peu de nuages, donc ça va. Il devrait pas faire. Ça devrait être. De toute façon, on joue à Bordeaux le premier match des enfants, donc pour l'instant. Non, mais j'ai regardé pour la semaine d'après, parce qu'il y a des prévisions jusqu'à. Il anticipe. Eh ouais, mon gars, t'inquiète. Et d'ailleurs, Raphaël, dis-moi, comment est-ce que tu as prononcé la 32, ville, pardon. La ville de ton club. Il a dit tout à l'heure que t'étais pas là. Ouais, parce que excuse-moi, je viens d'arriver. Hein. Salut, Raphaël. Autant, mais... autant pour moi, semaine prochaine, il fera 33. Je suis quand même curieux de savoir, du coup, tu dis ça comment, tu dis Je dis quoi, le nom de la ville? Ouais, le nom de la ville. C'est Kesh Fehervar. Ouais, non, parce que Clément a une passion pour tout ce qui est imprononçable et loin. Autant dire que ça m'appelle Carnaval. Bon, moi, juste pour la petite histoire et pour ceux qui vivent, qui suivent Journaliste depuis quelques années, à l'époque où il y avait et Clément et Emmerich, on faisait le jeu, enfin, ils faisaient le jeu de la et, on te faisait prononcer. De ça, de voir tous les qualifiés un peu exotiques qu'il pouvait y avoir en Coupe d'Europe pour essayer sur les tours préliminaires d'y aller. Et Vidéoton, il y a celui-là et un truc en Azerbaïdjan que vous aviez. Bon. Ouais, que vous, à chaque fois, il voyait faire, ah, faut qu'on y aille, faut qu'on y aille. Alors, et maintenant, on a eu Vidéoton, je suis sûr qu'ils y vont pas. Raphaël, excuse-moi d'avance pour ce que tu vas entendre, mais je vais faire plaisir à Clément. Clément, le club a été fondé, on disait avant que tu arrives, en 1941. Sauf qu'en 1941, il ne s'appelait pas Vidéoton. Il ne s'appelait pas Sekesh Ferrer. Non. Il s'appelait Vadastolieniagari. Ah ouais, bon gars, ça. Eh ouais, mon gars. Tu sais ce que tu fais, tu me le dis, je mets Google, hein, je l'ai fait prononcer pile au moment où il faut le dire. Et autant dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont dû se fonder en 41 en Hongrie, sinon. Parce que l'époque était un peu tendue. Là. C'est vrai que j'ai pas percuté que c'était en plein... Oui, en plein... En plein, c'est pendant la guerre. En plein. Adrien. Non, c'était pour faire une blague. Mais alors, lève pas le doigt. Non, ta gueule. Merci. Moi, je vais avoir une question, Clément. Du coup, alors... c'est vrai que nous, on a vu là, on a fait des bons matchs amicaux globalement, mais ça reste des matchs amicaux. Vous avez déjà pu commencer du coup au tour précédent, et globalement, comment est-ce que tu juges toi l'état de forme? Hein? Aux deux tours précédents. Non, au tour précédent. Mais ils ont commencé, ça fait déjà 4 matchs de Coupe d'Europe qu'ils jouent. Oui, ils ont pris la championnat en début juin. Oh putain, d'accord, ok, excuse-moi, je suis complètement à l'ouest. Mais du coup, comment est-ce que tu juges l'état de forme un peu de ton équipe? Parce que j'imagine que. Enfin, de ton équipe, de toute façon. Enfin, de l'équipe de Vidéoton, et voilà, parce que du coup, j'imagine pas, que ça va être. Bon, à l'état de forme, j'ai un peu abordé la question tout à l'heure. Ils sont à plein régime actuellement, enfin plein régime, encore une petite marge, je pense. Et ils sont vraiment chauds tous. Et la prépa physique a produit ses fruits, même s'il y en a quand même un ou deux qui sont blessés, qui doivent faire un petit séjour à l'infirmerie actuellement. Donc ils sont bien, on va dire. Est-ce que tu as des noms un petit peu de mecs à suivre dans cette équipe-là? De gars qu'il faudrait surveiller avec le plus grand intérêt? Tu vois ce que je veux dire, enfin, de mecs dangereux entre guillemets pour Bordeaux, parce que c'est vrai qu'on sait pas trop, enfin, tu sais, on sait que des fois il y a des clubs comme ça. Moi, j'étais surpris quand on avait joué contre Chypre, par exemple, de trouver beaucoup de Brésiliens, d'Espagnols, des trucs comme ça. Alors là, l'effectif est surtout à base de Hongrois, de ce que j'ai sous les yeux. Et du coup, des fois, on croit que c'est facile, mais ça ne l'est pas. Ah oui, tu vois, je me suis dit à quel moment je vais pouvoir la placer. C'est cadeau. Mais c'est cadeau. Il y a pas mal de Hongrois. Il y a un Français, on l'a dit avant que tu arrives. Il y a quelques Serbes. Après, il y a des drapeaux que je connais pas. Si, il doit y avoir un Monténégrin et après c'est un Brésilien. Et après c'est que des Hongrois. Du coup, donc ouais, est-ce qu'il y a des noms à suivre de ce côté-là, enfin du côté de Vidéoton, de noms de joueurs vraiment. Et un Portugais aussi. Qui te marque toi, enfin, que tu aimerais relever? Alors ben, la doublette d'attaquants dont je parlais tout à l'heure, Lazovic et Šćepović, qui sont à suivre, qui fonctionnent très bien, qui sont très complémentaires et qui combinent parfaitement, qui vont vraiment pouvoir bouger les Bordelais, enfin du moins on l'espère en vrai. Et sinon, bon, il y a Loïc Mégo pour les amoureux du FC Nantes et de la Jonelière, qui est capable de faire de sacrés débordements sur son côté droit, même s'il manque parfois de précision dans le dernier geste, dans les centres et au niveau des dernières transmissions. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu l'équipe hongroise ces derniers temps, il y a Roland Nuas, le capitaine, défenseur central, qui était justement à Bordeaux sur ce fameux match Autriche-Hongrie il y a un an, qui lui sera content de revenir au match Atlantique justement, je pense. Voilà, après, c'est des cadres, la plupart sont assez âgés. Il n'y a pas véritablement de jeunes pépites à surveiller tout de suite. Et sinon, il y a qui j'aime bien également. Il y a Amir Suljic qui joue au milieu gauche, ou qui joue à droite aussi, qui a un très bon pied gauche, qui délivre des centres souvent très intéressants. Alors, si tu suis un petit peu Bordeaux, quel est pour toi le secteur de jeu où Bordeaux va se retrouver le plus en difficulté et va avoir le plus d'aisance face à Vidéoton? Si, en te posant la question, je pense directement côté droit, la faculté, on va dire, offensive de Bordeaux va être un atout, et défensivement, le côté gauche, risque d'être celui qui est, sera le plus en difficulté. Et je dis ça parce que Contento et que ça fait que 6 mois qu'il fait à peu près des prestations correctes. Donc selon toi, quel est le point fort de Vidéotron et là où Bordeaux va être en difficulté et inversement? Alors le point fort, oui, ça peut être le côté droit de Vidéotron justement, donc le côté gauche de Bordeaux qui pourrait être mis en danger, comme tu faisais justement remarquer. C'est vrai qu'il combine très bien sur ce côté-là. Et ça va assez vite généralement, Loïc Négo n'hésite pas à dédoubler, à faire des appels. Et devant, donc il y a du gabarit avec Cepovic qui peut poser sur les défenses, donc je sais pas quelle charnière je sens que Vonek va aligner. Tout le long les chevaux. D'ailleurs, moi j'ai une question, Raphaël. Est-ce que Vidéotron joue à deux points tout le temps ou c'était exceptionnel face à Nomé Kaljou? À deux points, ouais, il joue toujours à deux points. Donc c'est à chaque fois, donc du coup on risque d'être donc en face à face derrière quoi. Un 4-4-2 à plat avec Lazovic décroche un petit peu plus et plus en soutien, enfin légèrement en retrait, on a fait demi. Mais effectivement, c'est deux pointes au départ. Il n'y a pas de numéro 10 à proprement parler derrière au milieu de terrain, mais il y a deux attaquants qui viennent percuter. Ouais. Et à l'inverse, l'endroit où vont être le plus en difficulté en fonction de leur défaut et notre qualité? Bah, le problème, c'est la charnière centrale qui va être un petit peu à remodeler suite à la blessure de Vinicius, qui était quand même un cadre la saison dernière, qui a fait une énorme saison, et qui donc, comme il est blessé, bah, il va falloir recomposer avec d'autres joueurs. Je pense que ce sera Andras Feyas qui sera aligné d'ailleurs en défense centrale. Donc là, on ne sait pas trop comment ça va se passer, si les automatismes vont être présents. On va voir, les attaquants girondins ont quand même de quoi faire tourner la tête à certaines charnières centrales. Donc je pense qu'ils pourront essayer de trouver des failles là-dedans. Donc à surveiller. Et puis au niveau des débuts de match, Vidéotron a pris un but à chaque fois lors de ses deux premiers matchs du championnat hongrois, assez tôt dans le match. Donc parfois ils ont un petit peu de mal à entrer dans la rencontre. On va voir si ce sera le cas aussi jeudi. On a vu aussi sur les matchs amicaux, notamment les prestations de Lehrager, mais surtout une capacité du jeu bordelais à concéder extrêmement peu d'occasions, notamment les deux derniers matchs, je compte pas Biarritz, mais que ça soit contre Guingamp ou que ça soit contre la Villarreal, c'est ça qu'on a joué, la Real Sociedad, la Real Sociedad, je vais pas y arriver. Hein. Bordeaux a concédé très très peu d'occasions, je crois qu'on a concédé une occasion à chaque match, et on s'en est procuré beaucoup. Aussi grâce à un milieu totalement neuf et on va dire très performant. Comment tu juges de ton côté le milieu de Vidéotron? Vous avez joué en 4-4-2 si je dis pas trop de conneries. Comment toi tu vois les choses dans ce combat, puisque nous on joue 4-3 et qu'on devrait se diriger soit vers... Alors tout l'allant devrait être en défense, donc soit Arambari, Lehrager et Sankaré, soit Lehrager, Sankaré, Vada. Ah bah, c'est un milieu à 4, donc tu as dit c'est un 4-4-2. Effectivement, il y a deux milieux plutôt à vocation défensive, Aneladjic et Matej Patkaj, qui sont des mecs qui vont se battre sur n'importe quel ballon, qui sont des bêtes infatigables, on va dire, et qui ratissent beaucoup et qui essaient tant bien que mal de conserver la balle. Donc, bon, à mon avis, ça va batailler, il y aura certainement quelques cartons jaunes qui vont pleuvoir. Et donc il n'y a pas vraiment de créateur qui peut, sur une passe comme ça, trouver une ouverture formidable. Mais effectivement, la bataille du terrain va être assez dense. Il n'y a que sur les côtés, on ne sait pas encore trop qui est-ce qu'il va mettre sur le côté gauche, sur le côté droit de son 4-4-2. Et c'est là que ça peut être intéressant. Peut-être qu'il va mettre Suljic, qui lui va apporter un petit peu de fluidité, va essayer de trouver des décalages. Donc dans l'ensemble, ça peut être une grosse lutte. Ouais. Est-ce que, alors je te pose la question, je sais pas du tout si c'est le cas, mais est-ce que tu sais si en Hongrie le tirage a été plutôt bien accueilli? J'ai pas du tout lu encore des déclarations de coach ou de président ou de quoi que ce soit. Ils étaient plutôt contents, pas contents de recevoir un retour déjà de Bordeaux. Est-ce que tu as eu des retours sur ça ou pas? Alors, j'ai pas fait une revue de presse intégrale, je vais pas vous mentir, surtout que quand la nouvelle est tombée, on ne savait pas encore si Vidéotron allait être qualifié ou pas. Mais globalement, oui, ils ont conscience d'être dans une posture de David face à Goliath un petit peu. Donc pour eux, comme j'ai expliqué, c'est tout bénef. Et oui, ils sont contents de recevoir un retour, c'est sûr. Non, parce que mine de rien, c'est une équipe qui, sur ces dernières saisons, a beaucoup plus joué de matchs importants, de phase finale et ou de barrage, que les Girondins. Parce que Vidéotron, tous les ans, quasiment, on les voit en troisième tour, ou en barrage, ou en poule. Oui, alors surtout en tour préliminaire ces dernières années, mais ils ont fait une poule, je crois, c'était il y a 2 ans. Je pense effectivement, c'est vrai qu'ils sont habitués à ces joutes-là, mais derrière ils n'ont pas le niveau pour aller beaucoup plus loin. Le max, c'est phase de poule de Ligue Europa, et bon, malheureusement, je pense que cette année c'est un peu plus compliqué. Après, sur la fraîcheur, au niveau de ce tirage, effectivement, c'est un peu tendu, mais bon, ils n'étaient pas de tête de série, c'est sûr que ça va être un peu chaud. Parce qu'en termes d'expérience, alors ok, à Bordeaux, t'as Costil, t'as Levchouk, t'as Toulalan, t'as Plasil, ok. T'as le Ragger. Mais t'as la Borde, t'as Malcolm, t'as Kamano, t'as Vada, t'as le Ragger, t'as Sabali, Sabali il est bon, mais il a jamais joué un match de Coupe d'Europe de sa vie. Les seuls qui manquent réellement d'expérience, t'as toute ton attaque, hein. C'est devant, voilà. Ah oui, c'est emmerdant, c'est eux qui doivent marquer. Mais non, je pense que sur ce match-là, au contraire, le fait de se retrouver avec des joueurs qui n'ont pas trop l'habitude de gérer ce genre de match va leur imposer de ne surtout pas calculer. S'ils commencent à faire des calculs à la joue et vieux briscard, oui, ils vont se planter. Donc je pense aussi que le rôle de Gouvenec, c'est d'arriver à mettre tout le monde en condition, c'est-à-dire que tout l'allant sur ce match-là va être une importance cruciale. La présence de Sankaré, même si c'est pas forcément gros habitué des matchs européens, mais que ce soit les Ragger, lui, les Chouk, quand même des joueurs d'expérience, donc vont pouvoir, eux, donner un allant sur le terrain. Contento aussi, parce que c'est un joueur qui a joué dans un gros club et qui a connu l'expérience européenne. Mais pour les attaquants, j'ai envie de dire, c'est du bénéfice, c'est-à-dire ne pas calculer, profiter, et justement, eux aussi, leur niveau. Il est inconnu. On parle des joueurs de Vidéoton qu'on connaît pas trop, etc. Alors, bon, Bordeaux est un petit peu temps aussi pour les superviser. Mais au final, Vidéoton, Malcolm en cassette, c'est 1 an et demi. Kamano, c'est 6 mois. Et la Borde, c'est 6 mois. Donc c'est aussi compliqué pour Vidéoton d'analyser l'attaque bordelaise. On ne jouerait qu'avec des joueurs qui auraient 10 ans de métier, bah, tu pourrais te dire je vais les contrer, on sait comment les mettre en place contre eux, parce qu'ils sont habitués et qu'on les a souvent vus en conditions européennes. Là c'est, je pense que c'est aussi, c'est pas forcément qu'un inconvénient sur ce match-là d'avoir des joueurs inexpérimentés. Enfin, je sais pas ce qu'en pense notre invité au téléphone. Oh, je suis tout à fait d'accord, j'ai pas grand chose à ajouter. Alors, deux petites infos complémentaires. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit une énorme saucisse. Jeudi prochain, il fera 43 degrés l'après-midi et 31 le soir. Non, mais on rigole, mais ça peut avoir son. Oui, ça peut avoir son. Pas ce jeudi-là, hein. Le match retour là-bas. De ce qu'annonce Météo France ou Météo. Ça tombe bien, parce que Météo Hongrie, c'est pas pareil. Ouais, là, mais enfin, 43 l'après-midi, 31 le soir, faut se le fader quand même. Mmh. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, ça peut changer, mais bon, enfin, pour l'instant, c'est ce qui est annoncé. Et il y a un joueur, alors peut-être toi, Raphaël, tu dois le savoir, mais il y a un joueur, les enfants, dans cette équipe de Vidéauto qui a un lien direct avec les Girondins. Vidéauto ? Je vous demande pas son nom. Bah si, justement, je vous demande son nom. Quel est ce joueur de Vidéauto ? Non, il a un lien direct avec les Girondins. Exactement, il y a un joueur dans cette équipe qui s'appelle Yannick Dos Santos Tavares, plus connu sous le nom de Stopira. Alors, on n'a pas la version originale, mais bon, le garçon est né en 88. Donc, est-ce que les parents... Cap-Vert, c'est en l'honneur de Yannick et Stopira. Et il est capverdien. Alors, est-ce que les parents... Ouais, ça a été dit. Donc, en l'honneur de Yannick Stopira, ça a été dit, hein. Bon, ben voilà, j'ai rien découvert, alors je suis dégoûté. Voilà. Oh, c'est nul. Effectivement, Stopira qui est... ouais, on a un très bon joueur de cette équipe qui fait largement le taf côté gauche, qui monte très vite aussi. Et voilà, donc effectivement, c'est aussi un mec à suivre. Et pour rencontrer Yannick Stopira. Alors Yannick, I-A-N-I-Q-U-E, Stopira, S-O-T-I-P-I-R-A. Ça s'écrit un Stopira petit peu. Stopira qui a joué dans un autre grand club du Sud-Ouest aussi. Oui, Toulouse, c'est chez toi ça. Ah, exactement. Et ce Stopira-là de Vidéoton est passé par notamment la Corogne. C'était en 2011. Petit passage à la Corogne, il est international capverdien. Mais j'ai cru voir tout à l'heure sur le chat que Marco Canera y avait joué aussi, non ? Oui. Ah bon ? Voilà. Ah, c'est assez possible. Alors je t'avoue que. 2011-2015. Voilà. Ah, il a fait 4 ans Mais en 2015, Canera, il joue encore au football ? Il était chez nous en 2003 ou 2000... Bah oui, bah écoute. D'accord, ok. Non, non, il a fait quelques années. C'était pas précisé qu'il tenait la billette. On parle beaucoup tout à l'heure, tu essayes de nous donner le niveau de l'équipe de Vidéoton, mais si tu devais comparer Vidéoton à un club français de Ligue 1 ou de Ligue 2, ça serait qui ? Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Si tu me dis ça ressemble à Guingamp, ou si ça ressemble à Angers, ou si ça ressemble, tu vois, à c'est qui des. Si tu te dis à Paris, t'en as peur. Non, mais il dira pas Paris. Ah, ça dépend si on part en termes de niveau de jeu ou si on part en termes d'organisation. Niveau de jeu, bah, le niveau surtout. Après, tu peux faire les deux d'ailleurs. Mm. Ouais, vas-y, les deux. Ah, à niveau de jeu, je pense que Vidéotone, ils auraient du mal à se maintenir en Ligue 1 quand même. Hein. Ah, donc, carrément. Sébastien. Ah, bah, y a quand même un gap hein, de toute façon, entre les deux championnats, hein, faut être honnête. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'est toujours difficile. Moi, j'aime pas trop comparer et chercher des équivalences entre les différents pays, surtout quand on parle de ces pays de l'Est où c'est vraiment pas le même type de jeu. Donc, non, je pourrais pas exactement ouais, puis, trouver un club qui correspond surtout parfaitement Marc, à la France. La comparaison ouais. Est quand même, Marc, il t'a demandé un truc qui est quand même pas facile à, parce qu'on parle de ça, mais alors dans ce cas-là, si on avait eu quelqu'un qui, pour nous parler, ou pourquoi pas Raphaël, il y a deux ans, pour nous parler d'Almaty ou de, c'était qui l'autre, Adrien? L'Arnaca. Ou de l'Arnaca, non, le mec, il t'aurait dit pareil, bah ouais, Almaty et l'Arnaca, ça se maintient en Ligue 1, et pourtant, on a failli se faire sauter. Je cherche pas à piéger ni rien. C'est au moins, voilà, c'est une équipe qui aurait du mal à se maintenir. Ça veut pas dire qu'elle aurait pas réussi à se maintenir. Sur 180 minutes avec une différence de préparation. Tout peut se passer. Et surtout, je pense que les Serbes, pour en connaître quelques-uns, notamment à Bordeaux, on a fait une interview pour ceux qui, de Nissa Saveljic. Il y a quand même une mentalité de guerrier chez eux. Mm. Et je suis quasiment certain que les duels, il faudra les jouer à fond. Ah oui. Ça tombe bien, ils sont hongrois. Non, mais il y a beaucoup de Serbes dans l'équipe de Vidéotons. Non, mais de toute façon, non, c'est juste que. Non, mais il a raison. Il va falloir être présent dans les. La réaction d'Adrien débile, ça fait quand même partie des mêmes pays, on va dire. Physiquement, il va falloir être présent en contact, ça c'est sûr. Moi, je fais pas de discrimination. Dans l'histoire des pistes, c'est pas forcément. Non, mais ça arrive de fois à Ivan, Adrien. C'est des mentalités qui sont plus proches. Que des mentalités entre l'espagnol et la Suède, tu vois. Enfin, vraiment, faut essayer d'être un petit peu logique. Après, il y a juste une petite chose. Vous dites tout à l'heure, oui, c'est un peu piégeant. Non, mais le fait de savoir qu'on joue contre une Ligue 2, on aurait pu sortir contre une Ligue 2, j'ai envie de dire. On voit assez de matchs de coupe. Donc voilà, on a vu assez de matchs de Coupe de France, de Coupe de la Ligue pour voir que t'es capable de sortir contre n'importe qui. Mais au moins, ça donne aussi une idée. Tu sais que si Bordeaux ne joue pas son football contre une oui, mais on ne connaît pas Bordeaux cette saison, non, on l'a pas vu encore. Mais Seb, on en a parlé. Vous écoutez l'interview depuis tout à l'heure entre les questions des uns qu'on a posé il y a 10 minutes ou tout ce que tu es en train de dire. L'équipe de Bordeaux, mis à part un changement et le gardien, c'est la même que l'an dernier. Donc on a quand même, je suis désolé, venez pas me dire qu'on connaît pas trop Bordeaux cette année. On connaît Bordeaux de l'an dernier. Bon, on connaît Bordeaux de l'an dernier, donc tu peux quand même t'appuyer sur le Bordeaux de l'an dernier pour évaluer ce qu'on va faire en juillet. Tu vois, on devrait être plus près du niveau de mai que du niveau de décembre de l'année prochaine. Donc, on a une idée générale du niveau de Bordeaux et on sait que Bordeaux, si Bordeaux ne pratique pas un football, on va dire, n'est pas à 100%, si on n'est pas sans nickel dans notre partition, on sait qu'on est capable de perdre contre le dernier de Ligue 1. Donc le fait de savoir que Vidéoton, c'est une équipe qui aurait du mal à se maintenir en Ligue 1, veut dire aussi que si on ne prend pas le match sérieusement, on va perdre. Parce que c'est un petit peu ce que fait Bordeaux. Quand Bordeaux ne joue pas à fond contre une équipe relégable de Ligue 1, Bordeaux gagne pas. Donc ça, pour moi, ça donne une vraie indication surtout, sur ce que Bordeaux va devoir c'est faire. C'est surtout qu'il va falloir les prendre, enfin, et il va les respecter. Attendre. Il va falloir les respecter et puis jouer vraiment notre jeu et jouer vraiment tous les coups à fond et sur nos qualités. Donc parce que si j'ai bien compris, donc le 4-4-2 à plat, ça a quand même ses avantages, notamment d'avoir deux pointes et de peser sur la défense, mais ça a quand même un sacré désavantage au milieu de terrain. Surtout là où on a recruté un joueur qui a l'air très très puissant, le Raguer, en plus des qualités de Sankaré, ça peut quand même harceler bien bien haut et on peut quand même leur poser. Est-ce que tu penses que Vidéoton pourrait sur ce match en déplacement à Bordeaux se mettre en 4-5-1 et densifier son milieu ou est-ce que c'est pas trop dans les habitudes? Genre le bus quoi. Alors, c'est pas dans les habitudes ni du club ni de leur nouvel entraîneur Marko Nikolić, pour être honnête. Et ça m'étonnerait qu'ils fassent ça. C'est pas impossible, hein, mais je pense pas que ce soit dans les plans. Donc non, je pense qu'ils viendront vraiment pour essayer de jouer tant que ce sera possible en 4-4-2. Peut-être que je me trompe, hein, mais à mon avis, je parierais plus là-dessus. Ah, Raphaël, tu aurais un pronostic? Ben, j'allais le lancer. On envoie le bonjour à Damien de Football Sky. Alors, faisons les choses dans l'ordre. D'abord les pronos, après on fera nos compos nous avant la pause tranquillement. Prono, qui dit prono, Cyril dit jingle. Quel est votre pronostic? Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Alors Raphaël, boucherie ou pas boucherie jeudi? Non, je pense pas que ce sera une boucherie, mais bon, je vais être un petit peu partagé, je suis pas très bon en pronostic, hein, mais disons que le score idéal, c'est pas impossible qu'il arrive néanmoins. ce serait un petit 2-1 pour Bordeaux. Ouais, moi je suis. Tiens, on va faire un petit tour, mais moi je suis exactement. Et ça m'arrange pas du tout d'ailleurs. C'était mon pronom. Ouais. Moi je pense. J'espère un 2-0 ou un 3-0, mais je sais pas. Je le sens pas ce match. 3-1. 3-1. Enzo. Par contre, excuse-moi, ton micro n'est pas allumé. Moi je partirais sur 3-1 aussi. 3-1, Adriano. 2-0. 2-0, David. 3-0, net, sans bavure. Propre, chirurgical. Et Marco ? Je suis plutôt de cet avis-là, parce que je ne vois pas prendre de but. En fait, le problème, c'est que je ne vois pas prendre de but sur ce match-là, je vous le dis sincèrement. Sur les matchs amicaux, les deux derniers qu'on a fait, je vois quand même une équipe défensivement bien en place, donc avec tout l'allant en défense. Par contre, c'est notre capacité à être adroit devant les buts. Là, réellement... Donc c'est pour ça que tu me dis 3-0. Non, c'est déjà qu'on ne prendra pas de but. Après, surtout que tu m'as coupé. Après... Je pense quand même qu'on devrait avoir des occasions et vu le nombre pléthorique d'occasions qu'on a eu sur ces matchs amicaux, je nous vois quand même en mettre 2 quoi. Enfin donc entre 2 et 3-0. 3-0 pour moi serait le score idéal pour être clairement serein au retour. 2-0 par limite. 2-0 but, disons que t'es pas à l'abri d'une petite prolongation en retour. Tu vois. Voilà, et le problème c'est que le but serait capable de mettre dedans. Donc s'il faut surtout pas en prendre, le problème c'est que si on gagne que 1-0, j'ai l'impression qu'on n'aura pas fait ce qu'il fallait faire. Tu vas y aller en serrant les fesses derrière, c'est clair. Ouais, c'est ça. Bien, messieurs, merci beaucoup Raphaël, on va te... Donc, comme dit Lolo sur le chat, Bordeaux a pris un seul but sur coup de pied arrêté en match amicaux. Ouais, mais enfin les matchs amicaux c'est toujours pareil, on va refaire le débat des matchs amicaux, mais quand tu joues New Orpo et Biarritz, alors ok, il y avait Guingamp et la Real Sociedad, mais enfin quand même... Et puis à un moment donné, on en prendra des buts. Oui, c'est clair. Raphaël, avant de se quitter, un petit rappel donc du site, c'est footballski, c'est ça, .com. C'est footballski.fr. Footballski, on peut vous retrouver sur, je suppose, sur Twitter, tout ce qui est réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et puis si vous voulez reprendre l'interview de Savelgic, parce qu'on parle forcément de Bordeaux, mais on parle plein de choses. Ah oui. Donc vous gênez pas. Si vous voulez en faire quelque chose, oui, c'est une heure d'interview où il parle vraiment de tout, de Bordeaux, du pays, du Monténégro, de la Serbie, de la Yougoslavie, de tout. Et c'est plutôt assez intéressant à retrouver Adrien, pour ceux qui l'ont pas écouté, sur archive.org. Non, sur Gérant Lintrain. Sur Gérant Lintrain 3.com. Toi, tu lui donnes la parole, il dit que des conneries. Bah, c'est lui qui est censé. C'est quoi le site? C'est archive.fr. C'est sur girondin33.com qu'on retrouve le podcast. Allez. Tu peux nous envoyer sur les mecs dès la pub à notre site, bordel. Pas. Merci. Je vous jure, faut les éduquer. Ces jeunes. Merci. Faut vous éduquer. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir passé cette première heure avec nous et puis de nous avoir apporté tes lumières sur ce club. Et si t'es dispo, vendredi, on peut faire un débrief ensemble. Et si t'es dispo, on peut faire un débrief vendredi ou la semaine prochaine pour le match retour quand il n'y a pas de soucis. Si toi ou un de tes collègues, vous êtes chaud pour en parler. Alors autant te dire que s'il y a élimination, On en parlera aussi. Écoutez, pourquoi pas, ouais. Ça marche. Merci beaucoup, Raphaël, et puis bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ciao. Salut. Messieurs, alors on va. J'ai volontairement fait passer les pronos avant les compos parce qu'on n'allait pas lui infliger au pauvre Raphaël 8 compos différents. D'ailleurs, c'est Gérondins. Un super site, hein, franchement. Franchement, c'est un très très bon site. Si vous aimez vraiment tout ce qui est. Qui se trouve à quelle adresse, Adrien? footballski.fr. https. Les enfants, deuxième heure, je vous l'annonce de suite parce que l'info est tombée il y a 8 minutes. Alors attendez, évidemment, je la retrouve pas. Bordeaux aurait un accord entre Bordeaux sur Nampalis Mendy pourrait intervenir très vite. C'est une info de Girondin Info qui est tombée il y a 8 minutes. On en reparlera en deuxième heure. On va faire les compos, messieurs, avant de faire la pause. Il nous reste 7 minutes pour faire les compos. Je pense que ça devrait le faire. Oui. On va faire une compo globale et puis si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Vidéotron, voilà. Je vais faire la compo rapido. Comme alors, ça, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise. Donc ça va être pour moi, ça va être Costil. Donc à droite, ça va être Sabali. Axe, ça va faire tout l'allant. Jovanovic. Mais c'est pas grave, laissez-le faire. À gauche, Contento. Milieu, ça va faire Arambari, Sankaré, Loraguer. Devant, ça va faire Malcolm, Camano et Laborde. Clément, est-ce que tu changes quelque chose à ça ou pas? Jovanovic, ayant une semaine de préparation physique dans les jambes, ne jouera pas. C'est pas grave. C'est pour ça que j'aurais mis Levchuk, sinon globalement... à peu près la même, ouais. Peut-être un doute sur Arambari, mais sinon, je dis la même que Cyril, à l'exception de Jovanovic, du coup. Ouais, moi, exactement la même, et avec Lechuk à la place de Jova. Adrien. Lechuk à la place de Jova et Vada à la place d'Arambari. David. La même qu'Enzo, c'est-à-dire que Lechuk à la place de Jovanovic, et voilà. Marc. La même que David et Kenzo et Adrien et Clément. Tout le monde. Et en fait, la seule incertitude réellement qu'on a, c'est de savoir est-ce que Vada physiquement est prêt, est-ce que Arambari physiquement est prêt, et à l'heure actuelle, qui donne le plus de garanties à l'entraînement, parce qu'on a vu que Lohrager était très bon à la place de Vada, mais aussi très bon dans le 6. Donc sur un match contre Vidéoton où on veut un milieu très offensif, peut-être que le choix d'aligner Vada, Lohrager et Sankaré pourrait être fait. Ouais, mais après Lohrager, ce qui va permettre, c'est que c'est un joueur assez physique, et vu qu'on va jouer quand même une équipe qui vient d'Hongrie, qui est basée un peu aussi sur tout ce qui est le physique qu'on connaît sur les pays. Je parle bien au final de n'avoir quasiment aucun récupérateur. Oui, voilà, mais c'est pour ça qu'on prendra Arambari qui est vraiment du poste, quoi. Mais je pense que c'est mieux de faire jouer Lohrager que plutôt que Vada, parce que Vada est plus fragile, on va dire. Oui, mais Sankaré est indispensable pour moi. À moins que tu mettes le Lohrager en 6. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui. Non, mais tu peux mettre les 3, et puis c'est largement possible quand tu vois qu'à la place d'Arambari, il a utilisé Plasil pour les deux premiers matchs. Voilà, tu peux avoir un milieu qui se compense. Ça peut être très intéressant, et un Lohrager à qui tu peux demander soit un boulot défensif, soit quelqu'un qui se projette. Voilà, c'est un profil très intéressant. Lohrager et son carré aussi. Il harcèle. Non, mais il fait mal aussi. Voilà. C'est quelqu'un qui va chercher l'adversaire. Il est dur sur l'homme. Voilà. Et en parlant de recrues, Lohrager et Lohrager. Ou les ragueurs, je sais pas comment on dit, oui, Lohrager, les ragueurs. Le rageux. Non, mais. Voilà, tu vois, avec tes saucisses, je sais plus tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est malin, il va falloir meubler 5 minutes. Mais c'était un truc sérieux en plus, je m'en rappelle plus. Je sais pas, continue. On parlait de Vada, les ragueurs. Oui, Marc, pourquoi tu disais Vada et pourquoi il aurait pas la condition Vada? Il a fait la prépa comme tout le monde et. Non, parce que tu sais que c'est un joueur qui physiquement l'année dernière a du mal à tenir sur la durée, a du mal à tenir sur 20 minutes. Ouais, enfin quand même, merde, on est en prépa, ça fait un mois et demi qu'il s'entraîne le mec. Justement, parce que. Ça fait qu'un mois. Et c'est bien parce que tu es en préparation physique, que la préparation physique t'a beau courir pendant un mois, c'est pas pour ça que tu seras à 100%. Tu es en train de faire ta préparation physique, on est en plein dedans là, hein, faut pas croire, hein, c'est pas terminé. Donc elle va continuer jusqu'à fin août. Il faut aussi que le corps digère la préparation pour être à 100%. Je pense que Vada physiquement là n'est pas à 100%. Et quand il est à 100%, n'est pas un joueur qui tient beaucoup. Il tient 90 minutes, donc j'ai un doute, je ne connais pas à l'heure actuelle l'état physique de Vada. Est-ce que cette année il a une préparation physique, il a peut-être mieux fait que l'an dernier, donc peut-être qu'il va mieux tenir ça. J'en en sais rien, c'est un doute, et c'est un doute que l'on a tous. Est-ce que Plasil, qui était annoncé comme blessé au genou... Plasil, il ne s'est pas entraîné depuis une semaine et demie quasiment, il revient juste de blessure oubliée. Dans préparation physique, Plasil, Jovanovic, tous ces joueurs-là, ne joueront pas juste, ça m'étonnerait même qu'ils soient sur la feuille de match. Il avait quoi, Jovanovic? Il a repris plus tard parce qu'il était international. Ah bah oui, qui a accepté de reprendre bien avant, enfin qui a voulu reprendre avant, mais les autres sont à court. Tu peux pas leur demander. On va jouer contre une équipe qui depuis un mois et demi joue, c'est-à-dire qu'ils ont une préparation physique qui a commencé en mai, qui a quasiment deux mois d'avance, qui a un mois et demi de compétition d'avance sur nous. Cette équipe-là est bien plus rodée. Tu ne vas pas pouvoir mettre un joueur qui a une semaine de préparation physique. J'y crois même pas. Donc, en disant ça, tu réponds à la question que tu as toi-même posée sur le programme. Le 11 sera-t-il révélateur de l'équipe type de Gouvenec pour la saison à venir? Non. Oui, à 80%. Mais, voilà, oui, en partie. En fait. Oui, en grande partie. Sachant qu'il va y avoir Willington Silva qui va arriver. Disons que pour l'instant, les incertitudes que tu as, elles sont sur ton recrutement. Si on vend Roland et qu'on recrute un attaquant, est-ce qu'on va recruter une doublure à la board ou est-ce qu'on va recruter un attaquant titulaire et mettre la board remplaçant? On sait même pas si Roland sera remplaçant. Est-ce que déjà Roland va partir? Oui. Voilà. Si on le recrute, il veut partir en 2018. S'il part, etc. Mais ça, c'est des questions que tu vas pouvoir poser, donc tu ne sais pas. Ce que je me pose plutôt, c'est si tout la langue commence à jouer en défense alors qu'on a que Arambari, réellement joueur de métier, et qu'on a Lohrager qui peut jouer là. Tu vas quand même avoir une grosse idée de ce que l'entraîneur veut faire de tout l'allant. C'est ce genre de questions pour moi qui vont être... on va le voir. Est-ce que l'entraîneur compte changer de système ou pas? Mais je pense qu'il y a des informations comme ça qui vont revenir. Qui c'est qui va prendre le brassard? Est-ce que Lohrager va jouer 90 minutes? Je pense que Lohrager est un joueur qui compte pour Gourvenec. Et c'est des questions, des réponses qu'on va très vite avoir. On les aura pas en un match, mais entre ceux-là, le match retour qui a lieu une semaine après et le match dans la foulée de Ligue 1, si le Rager il fait les trois matchs, autant vous dire que Vada, je pense, ça va être plutôt un joueur de rotation qu'un joueur titulaire. Donc ça, c'est des vraies informations qu'on va commencer à mettre sur la table. Mais après, il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà parce qu'on connaît déjà l'équipe de l'année dernière. Elle a quand même très peu bougé. Donc c'est pour ça que pour moi on a quand même des... Pour le poste précises. De numéro 6, clairement Arambari a une grosse carte à jouer, hein, comme le dit c'est qui le dit Damien, Damien Footbolski. Il a clairement une carte à jouer parce que on est en train de parler de Nampalis Mendy éventuellement, c'est une rumeur. Alors en deuxième heure on y reviendra dessus. On fera le point sur les rumeurs du jour parce qu'il y a eu des petits... Pour l'instant, il n'est toujours pas là. Toulalan qui redescendrait en décès selon Jocelyn Gourvenec. Arambari a 3 4 5 matchs devant lui. Si ouais, on continue, au moins 4. Voilà, à jouer titulaire et à prouver qu'il sauf peut. Sauf si tu préfères le Rager. Sauf si tu préfères le Rager, mais visiblement, de ce que compte faire Gourvenec avec, il partirait plus sur une doublette sans carré, le Rager plutôt devant. Et même si le Rager le dit lui-même qu'il peut jouer en 8 et éventuellement en 6 pour dépanner, je pense pas que Gourvenec l'ait pris dans cette optique-là. Donc on est plus parti sur une doublette sans carré, le Rager. Et alors en 6, Arambari a tout à prouver. C'est maintenant ou jamais, quoi. L'année dernière, tout le monde en parlait sur les forums, tout le monde disait Arambari, il est génial à l'entraînement, on le voyait jamais. Là, il a l'occasion de prouver. S'il ne prouve pas maintenant, je pense que pour lui, ça sera clairement cramé. Ça sera le prêt. Et ça va sentir le prêt en fin août, et à ce moment-là, Nampalis Mendy sera le bienvenu. Parfait, il est moins 5, on va pouvoir faire la pause. On parlera évidemment en début de deuxième heure, juste avant le débat sur la défense centrale et le petit jeu du mercato, parce que ça a bougé un petit peu. Alors là, on va revenir sur l'info du soir, c'est le possible, probable accord entre Bordeaux et Nampalis Mendy. Il y a eu la réintégration de Roland Palois et Pungi, on va y revenir également. Enfin voilà, il y a eu des petits trucs, on fera le point un petit peu sur tout ça. Et on attaquera ensuite le dossier Toulalan et le mercato. Voilà, messieurs et pas mesdames, on va faire la pause. On se retrouve dans quelques instants dans Girondin Analyse sur RIG en 90.7 FM et sur RIGFM.fr. A tout de suite. Les Girondins font partie de votre vie. Dites sur Girondin Analyse tout ce que vous pensez, en bien, en mal, et soutenez toujours les Girondins.